Bonsoir à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Cette émission est préparée par Corinne Amar, Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre et elle est réalisée par Lise-Marie Barret avec ce soir aux manettes Julien Dominque. Par les temps qui courent, Marie Richeux. Ce soir avec Raoul Peck. La lutte des classes doit-elle se structurer autour d'idées claires? Si l'on répond oui, quelles conditions doivent être réunies pour que ces idées soient produites? Quelles conditions matérielles, conditions affectives, quelles amitiés, quels liens, quels silences? Le jeune Karl Marx, c'est le titre de votre film, Raoul Peck, et tout jeune qu'il soit, à la fin, il demande à se reposer un peu. Parce qu'écrire des livres, faire naître puis structurer une pensée, c'est aussi un travail de longue haleine. Comme vivre l'amour, comme faire des enfants, cela demande du temps et de l'énergie. Cependant qu'ils prennent part à un tournant fondamental du 19e siècle, Karl Marx et Friedrich Engels traversent aussi leur jeunesse et ils font cela, ils vivent cela. Il n'est pas interdit de croire que penser la première chose avec la seconde soit éclairant. Le jeune Karl Marx sort en salle mercredi prochain. Bonsoir Raoul Peck et merci d'être là. Bonsoir. Votre film s'ouvre sur une scène dans la forêt avec des gens pauvres qui ramassent du bois et très très vite la question surgit à l'écran, à peine formulée théoriquement, sur la différence entre le vol et le ramassage et le vol et la propriété. À partir de quand vous est-il apparu que cette scène dans la forêt devait ouvrir le jeune Karl Marx? L'écriture du scénario a été un très long processus qui a duré plusieurs années. Et comme vous vous en doutez, le cinéma n'est pas forcément le meilleur médium pour montrer l'évolution des idées. Et en même temps, s'attaquer à Marx, c'est s'attaquer probablement à la tête la plus géniale de ces deux derniers siècles. Et donc, il fallait en même temps rester dans le cadre du cinéma, donc que ce soit rapidement identifiable et compréhensible, et en même temps ne trahir à aucun moment l'évolution de cette pensée. Donc, au fur et à mesure, ça a été de comment choisir le meilleur épisode pour entrer dans cette histoire, en dépassant les explications habituelles de traumatisme de jeunesse qui fait que Karl va se dédier toute sa vie à combattre l'injustice. C'était important qu'on comprenne que c'est une révolte pensée. Cet épisode du ramassage de bois, il a fait un article qui a été très très célèbre à l'époque, donc dans le Rheinische Zeitung, dans la dépêche de Renan, autour de ce problème du bois et du rôle de la loi et du pouvoir. Et je pensais, et Pascal Bonitzer et moi, donc, qui est mon co-auteur sur ce projet, que ça illustrait parfaitement l'état de pensée de Marx à cette époque-là. Donc il a à peu près 22 ans, 23 ans, il est en plein dans cette espèce de combat déjà qui est presque un combat de journaliste à l'époque et pas tellement ni de philosophe ni d'économiste. C'est vraiment une réponse presque quotidienne à la répression qui régnait à cette époque-là en Prusse. Et pour le cinéma, bien entendu, une scène de pratiquement de répression, de castagne et d'arbitraire. Avec un cadrage très particulier, extrêmement... On est très à l'intérieur de ce sous-bois, les chevaux qui arrivent sur nous, les visages des hommes qui tombent quasiment sur nous, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est d'humain à humain qui se joue entre l'image et la personne qui regarde. Il fallait être à l'intérieur de cette détresse, de cette violence, il fallait qu'on sente les coups. C'est une manière pour moi aussi de parfois utiliser les instruments du cinéma hollywoodien qui nous a tous éduqués, tout en les déconstruisant. Mais parfois, il faut utiliser ce qu'il a parfois de bien pour faire sentir les choses. Et c'est un peu l'approche qu'on a eue pour cette première scène qui devait, une fois pour toutes, établir le sens de la violence pour tout le reste du film. Puisque c'était certain qu'on allait avoir aussi des discours, des discussions théoriques, etc. Mais il fallait que quelque part, à un moment donné, et surtout au début, qu'on sente que ces discussions se font sur la base d'une extrême violence. Et une violence contre les plus dépourvus. C'est-à-dire des gens qui sont condamnés à ramasser des bouts de bois dans une forêt pour pouvoir vivre, c'est-à-dire s'en servir pour se chauffer, mais aussi s'en servir pour vendre sur les marchés. Et qui sont tabassés et tués pour ? Absolument. Pour simplement une interprétation légale. C'est-à-dire que on ne devait pas ramasser même le bois mort qui gît par terre parce que c'était censé être la propriété de celui à qui appartenait la forêt. Et vous avez aussi prononcé ce mot, Raoul Peck, de l'arbitraire. Évidemment, quelle violence on pourrait considérer ne l'est pas. Arbitraire, cependant, là, dans cette scène-là, ça saute aux yeux. Qu'un homme soit mort parce qu'il a fait ce geste de ramasser du bois, on sent bien que le départ de la pensée de Karl Marx, en même temps que le départ de votre film, veut souligner cet arbitraire, voire cette absurdité. Oui, et en plus, un arbitraire qui est un arbitraire légal. C'est-à-dire, c'est la loi qui permet l'arbitraire. Donc, c'est là que la force de la pensée de Marx aussi, qui est totale. Il ne s'agit pas de l'effet de cet état de lieu que la force est administrée sur des gens qui ne peuvent plus se défendre, mais que cette force est légalisée. Et donc, ce débat, et qui devient très vite aussi philosophique, puisqu'il nomme Montesquieu. C'est une scène qui permet d'avoir à la fois tous ces aspects-là et donc de rentrer de manière incarnée dans le film. Très vite, on va quitter les sous-bois et la forêt pour les bureaux. Dans un premier temps, les bureaux de ce Zeitung, de ce journal où se débat la liberté d'écrire. De quoi a-t-on peur ? Est-ce qu'on peut écrire ce qu'on veut ? Et si on doit avoir peur de ce que l'on doit écrire, alors est-ce qu'on doit continuer à écrire un peu plus doucement ou alors créer un journal ? On ira de bureau en bureau jusqu'à celui d'un éditeur. Sie scheinen mich ja gut zu kennen. Haben Sie meine Texte gelesen ? Ich habe Ihre. Lesen. Insbesondere die Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Das ist mir vollkommen gleichgültig. Amu? Chablis 1839. Il sait recevoir ce rogue, même s'il paye mal. Non? Ich habe noch nie etwas gelesen, was so präzise und so einnehmend gewesen wäre. Sie haben die Hegelsche Dialektik vom Kopf auf die Füße gestellt. Ich bin 24, Sie dürften kaum älter sein. Und Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Sie sind ein Genie, mein Lieber. Raoul Peck, vous demandiez, et à dessein si ça va, sans la traduction, pendant qu'on écoutait cet extrait de votre film, Le jeune Karl Marx. Alors d'une part, on va évidemment dire très vite ce qui se joue dans cette scène si lente et quasi silencieuse chez l'éditeur Ruge, mais c'était aussi pour entendre cette langue et cette phrase « Isn't I a genie, mein Lieber ?» C'est le coup de foudre amical entre Friedrich Absolument. Engels et le Karl Marx que vous filmez. On sent que vous prenez du temps pour le voir advenir, ce coup de foudre-là. Pour moi, c'était une scène importante parce que c'est vraiment la rencontre de grands esprits et en même temps la soumission de l'un d'eux à l'autre. C'est-à-dire que Engels identifie tout de suite Karl comme celui qui est le génie. Et il a la capacité de le voir, de l'avoir lu, etc. Et c'est comme un pacte qu'il signe à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est un pacte qui, on va le voir pour tout le reste de leur vie, puisqu'ils restent ensemble jusqu'à leur mort, en tout cas jusqu'à la mort de Marx. Donc, c'est un moment essentiel, parce que c'est l'une de ces rares rencontres intellectuelles dans l'histoire du monde moderne qui va changer la face du monde, littéralement. Donc il fallait s'y attarder et montrer aussi qu'en même temps, c'est une rencontre humaine. C'est une rencontre de deux jeunes, l'un à l'époque, je crois, à 26 ans, l'autre à 24 ans. Et tout de suite, ils ont compris la signification de cette rencontre. Dans la scène qu'on vient d'entendre, Engels est d'abord sur un canapé, et puis ils se parlent de loin, ils se toisent un peu tous les deux, ils se testent, puis ils finissent par se rapprocher. Et en effet, par s'identifier d'une certaine manière, qu'est-ce que l'un reconnaît chez l'autre ? Alors vous dites, il reconnaît que c'est un génie, d'accord ? Qu'est-ce que Karl voit chez Engels à ce moment-là ? Oui, parce que ce qu'il faut dire, qu'il y a une scène, donc ils en parlent au début de la scène, mais il y a une rencontre qui a eu lieu probablement à Berlin, dans les salons de comment elle s'appelle, von Armin, la fameuse intellectuelle à Berlin, qui Bettina von Armin, et une première rencontre qui s'était passée très mal. Et à l'époque, Engels passait pour le jeune audacieux qu'il était, coureur de femmes. Il portait un uniforme à cette époque, puisqu'il était à l'armée. Et Karl, plutôt irascible comme il est, impatient devant tout déguisement ou tout ce qui n'était pas vrai pour lui. Il était très vite impatient par rapport à ça, cassant même. Et cette rencontre, apparemment, s'est passée très mal. Et d'ailleurs, c'est une scène qui a été décrite par Rossellini sur un projet de film qu'il avait sur Marx. Et d'ailleurs, c'est l'un des rares extraits qui reste de cette première rencontre. Donc, quand ils se revoient dans ce film, il y a déjà une tension latente qui était déjà là. Et donc, c'est un apprivoisement, de deux têtes pensante, indépendante, audacieuse, fougueuse. Et finalement, ce qui les rapproche, pour répondre à votre question, je pense que c'est la perception très précise de la force de l'un et de l'autre. C'est-à-dire, c'est quand même des jeunes qui ont une pensée intellectuelle très poussée, très forte. Marx est déjà considéré comme un génie par ses professeurs à 18 ans. L'un d'eux écrit que voilà, si vous voulez rencontrer Rousseau, Voltaire, Hegel en un, il faut rencontrer ce jeune homme. Donc c'est ses amis dans la première scène dans ce journal, une partie d'entre eux sont ses anciens professeurs et ce sont les têtes pensantes européennes de l'époque. Donc très tôt, Marx est déjà considéré par les autres comme un génie. Et donc Engels ne fait que s'associer à cette admiration et se met au service littéralement de Karl Marx. C'est ce très tôt, Raoul Peck, qui fait que quand on vous propose de faire un film sur Karl Marx, vous décidez que ce sera dans ce laps de temps très court qu'est cette prime jeunesse ? Ce laps de temps a bougé au cours des années. Dans votre écriture ? Dans l'écriture. Parfois, ce sont les aléas d'une production, les aléas de partenaires. Donc, c'est vrai qu'avec Pascal Bonitzer, on peut retrouver dans nos notes l'histoire qui commence où Karl Marx a 12 ans. Et on a une fin qui se situe pratiquement 2 ans après leur exil en Angleterre, qu'ils ne vont plus quitter. Donc, on a en gros 7 heures de film écrit qui va, au fur et à mesure, se concentrer sur, en effet, ces 4 années entre l'exil à Paris et l'écriture du Manifeste communiste en 1848. Mais ce qui demeure très fort, c'est le lien entre ces deux hommes, Engels et Marx. Vous disiez, à partir de ce coup de foudre amical, Engels va vouer son existence, y compris matérielle, à aider à ce que naisse puis se structure la pensée de Marx. Pourquoi ça vous intéresse, Raoul Peck, cette dimension qui est d'abord humaine et qui a tellement de conséquences. Oui, il y a plusieurs raisons qu'on peut avancer, mais l'une, par exemple, c'est le fait que, oui, nous sommes dans une période de gourous, d'hommes politiques qui sont des sauveurs et aussi d'un public qui pense qu'il sera sauvé par un homme ou une femme politique qu'on n'attendait pas. Et là, on se rend compte que c'est déjà un collectif qui se met en place. Alors qu'il est un génie, Marx ne dit pas « je vais y aller seul et j'ai tout compris et ça va être moi le chef ». Non, il y a tout de suite une alliance qui se pose pour un objectif plus important et qui va aller très loin, comme on le saura. Ça me plaisait, cette idée. Cette idée de compagnonnage. C'est déjà du 2, ce n'est jamais du 1. Absolument. Et on va le voir aussi avec Jenny Marx. Et on va y venir, oui. Et on va le voir avec Mary Burns. C'est des rencontres de d'intelligence, de volonté, de d'amis, parce que pour moi c'est un aspect important. Il fallait que ces personnages soient incarnés. Ce sont des aventures humaines. C'est pas, ce ne sont pas des aventures simplement intellectuelles. Et d'ailleurs, c'est l'absence de cet aspect qui parfois va amener ces mouvements vers le crime. C'est le fait qu'on séparait la vraie vie, la vie privée, et l'intellect et la théorie. Il est tout le temps là, ce dialogue entre la vie privée et la théorie, et on a même l'impression que votre proposition à vous, personnel Raoul Peck, c'est de dire « rien n'irait l'un sans l'autre ». Marx ne vivrait pas sa vie d'homme, sa vie d'amoureux, sa vie d'amant, sa vie de père, s'il n'avait pas la possibilité d'écrire et de lutter. Mais il ne vivrait pas la lutte et l'écriture s'il n'avait pas la possibilité d'être père, d'être amoureux, d'être homme dans ce siècle et d'être ami. On pourrait croire que c'est banal que de dire ça. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on l'oublie souvent, en particulier dans le monde politique, dans le monde du combat. Mais on n'est qu'un. On ne peut pas, quand on sort de chez soi, devenir révolutionnaire et à l'intérieur de son foyer, qu'on ait des rapports abusifs avec son compagnon ou sa compagne. Donc ça va de pair. On ne peut pas imaginer une séparation comme ça, ou alors ça mène justement aux pires fantasmes, aux pires bêtises, aux pires crimes. Donc, et c'est ça qui manque souvent au mouvement. On le sait, déjà si on prend 68, les années 68, les révoltes 68, les femmes ont subi cette espèce d'ostracisme qu'on leur disait souvent, mais votre problème spécifique, on va le régler plus tard. Parce qu'en ce moment, ce qui est le plus important, c'est de se battre contre l'État, c'est se battre contre le capital, et puis quand on aura gagné, tout ira de soi. Et tout va se régler automatiquement. Ce qui n'est pas vrai, puisque le processus lui-même est tout aussi important que le résultat. Et c'est valable pour les Noirs, les étrangers, les Arabes, les homosexuels. C'est souvent cette espèce de fausse contradiction entre l'ennemi principal et l'ennemi secondaire, ou le problème principal ou le problème secondaire. Et Marx nous montre, de la manière même qu'il a conduit sa vie, de la manière qu'il n'a jamais, en un moment, à aucun moment, douté du fait que, par exemple, qu'il laissait de côté un mode de vie plus confortable. Jenny non plus. Jenny est fille d'une grande famille noble. C'est sa femme, donc. C'est Jenny von Westphalen. Et dont le demi-frère va devenir ministre de l'Intérieur de Prusse. Engels, son père, a tout un certain nombre d'usines en Allemagne et aussi des usines en Angleterre, à Manchester. Donc c'est vraiment un gosse de riche. Donc il pourrait mener une vie oisive, il avait tout son avenir devant lui. Or, ces trois personnages décident de se battre pour leurs idées, quel que soit ce que ça va les coûter. Et ça, c'est admirable et c'est important, parce que ça dit quelque chose. Ça dit quoi ? Ça dit qu'ils sont, par exemple, en mesure d'abandonner un confort, d'abandonner une sécurité. Pour le fils Engels, il va peut-être pas l'abandonner, il va profiter de l'argent qu'il peut gagner dans les industries de son père pour le mettre au service de Marx et de sa famille. Jenny, on a l'impression, et Karl Marx, Jenny Marx, on a l'impression que c'est la condition même de leur lutte. Il me semble d'ailleurs que l'un d'entre eux dit « je dois rester pauvre si je veux continuer de lutter ». Oui, ça c'est Mary Burns qui dit ça. La femme d'Engels. La compagne d'Engels. Oui, parce que, quelque part, d'ailleurs je pense même pas qu'ils se posent très longtemps la question des conséquences du choix qu'ils font. Parce qu'il n'y a pas pour eux d'autre option que de se battre. Ce sont des jeunes qui se rendent compte qu'ils vivent dans un monde qui est inégal, qui est injuste, où il y a beaucoup de répression, qu'il n'y a pas de réelle liberté, un monde où il existe beaucoup de famines à l'époque, un monde dans lequel une minorité abuse d'une majorité. Donc ils décident de se révolter contre ce monde. Donc ils ne réfléchissent pas longtemps sur les conséquences dans leur vie privée. Ce qu'ils voient, c'est qu'ils sont amoureux l'un de l'autre depuis très longtemps, depuis très jeune, et ils décident de se marier et de partir en exil à Paris pour essayer de construire autre chose. Et d'ailleurs, ils ont un petit héritage au départ, qu'ils dépensent rapidement, mais pas tellement en pensant au futur, puisqu'ils auraient pu dire « on va pas dépenser cet argent ». Non, ils ont profité de la vie, ils étaient jeunes. Donc, ils découvrent Paris. Et ils dépensent tout leur argent, et très rapidement, ils se retrouvent dans une situation de pauvreté très grande, alors qu'ils viennent d'avoir leur premier enfant. Donc tout ça, c'est important, parce que je dirais, c'est la partie incarnée de la bataille qu'on mène, parce que c'est une bataille sur soi aussi. Comment, par exemple, résister aux avantages que peut donner la soumission ? Comment résister aux avantages que donne la classe dont on provient ? Et pour avoir, pour être, comment dire, pour aller au bout de ses idées, il faut pouvoir ne pas être pris en otage, par exemple. Et c'est ce choix qu'ils font. Quand ils ont une attitude très saine vis-à-vis de l'argent. Ils ne se laissent pas intimider par l'argent. Et en même temps, quand ils en ont, ils le dépensent. Et quand ils en ont besoin, ils le demandent aussi. C'est-à-dire que le jeune Karl Marx que vous filmez, Raoul Peck, c'est aussi celui qui, si Engels ne lui envoie pas un mandat, ne peut pas continuer à chauffer, ne peut pas continuer à élever ses petits-enfants et à vivre avec sa femme. Donc il y a aussi, cette question-là. Oui, dans quelles conditions maternelles D'abord, on le voit réclamer son dû pour des articles qu'il a écrits. Farouchement. Voilà. Mais parce que Jenny a insisté, il faut que Rugueux, qui t'emploie, il a des actions. Donc s'il ne te paye pas, c'est un peu par avariste. Donc c'est à ce moment-là que Marx va se faire payer et n'est pas très content. Ensuite, à un moment, il y a eu un épisode pendant cette période de 4 ans où, pour une fois, c'était Engels qui n'avait pas d'argent. Il avait rompu avec ses parents, il voulait pas aller leur demander de l'argent, et c'est Marx qui avait un peu d'argent à ce moment-là, qui lui a donné. Mmh. Et qu'est-ce qu'a fait Engels ? Il est parti dans le sud de la France, il a passé 4 mois avec les jeunes vendangères de l'époque, et à boire du vin et à faire l'amour. Donc, il y a eu une période contraire aussi. Tout ça pour dire que c'est pas l'argent qui définissait ni leur amitié, ni leur action, ni leur pensée. Parce que vous le dites un peu facilement de dire... plus tard, il a été travailler dans les usines de son père. Il a rompu avec son père pendant plus de 2 ans. Et lorsqu'il se retrouve à nouveau en exil en Angleterre, après avoir été expulsé une deuxième fois de leur propre pays, ça il faut quand même le réaliser, Marx est expulsé en 2 fois de son pays. Donc, et d'ailleurs, il va vivre le plus longtemps à l'extérieur que en Allemagne. Donc, ils se retrouvent en Angleterre, et en effet, le problème se pose de comment ils vont vivre, parce que c'est clair que ce qu'ils écrivent n'est pas tellement populaire que ça pour leur permettre de vivre une vie bourgeoise normale. Et ils prennent la décision que Engels va travailler à nouveau chez son père. Et le père est très content, puisque c'est une manière de contrôler le fils à nouveau. Mais ça va être une souffrance éternelle pour Engels. C'est pas quelque chose qu'il fait de gaieté de cœur. D'ailleurs, il écrit une lettre à Marx, puisque lui, il était à Manchester et Marx était à Londres, au bout de, je crois, c'est 21 ans ou 25 ans, où il écrit à Marx, il dit « Enfin, je vais quitter cette usine qui m'a, qui m'a tué, qui m'a... » Et il écrit, mais c'est une lettre qui vous fait pleurer, parce que vous comprenez le sacrifice qu'il fait. Parce que c'est comme s'il travaillait chez l'ennemi, pratiquement. Vous savez... Karl vous a adopté. Il est difficile en matière d'amitié. Il n'a jamais amené personne à la maison. Vous êtes le premier. Ce n'est peut-être pas un très bon souvenir pour vous. J'ai lu votre essai. Et ça pétille comme du champagne. Je vois, je mesure ce que vous apportez à Karl. Seulement, permettez-moi d'être direct. Il n'a pas votre santé. Vous êtes un sportif. Après toute une nuit de boisson, vous êtes frais comme un gardon et lui, il met des jours à s'en remettre. Alors, entraînez-le où vous voulez, seulement, essayez de le modérer. Vous êtes une femme extraordinaire, Frau Max. Jenny. Jenny. Vous êtes admirable. Vous auriez pu mener une vie riche et oisive dans votre ville natale auprès d'un membre distingué de votre classe entouré de luxe et d'envie. J'ai échappé à un ennui mortel, oui. Il n'y a pas de bonheur sans révolte. Sans révolte contre l'ordre existant, contre le vieux monde. Voilà ce que je crois. Et j'espère le voir bientôt craquer, ce vieux monde. À nous deux. Non. À nous trois, Jenny. Nous allons le soulever. Ce vieux monde. On n'a pas suffisamment parlé de Jenny, de sa femme, qui, depuis le début, depuis le mariage, au fond, s'est vraiment dévouée à la cause de son mari, mais qui a fait plus que cela. Ce n'était pas seulement la femme fidèle et dévouée restant à la maison, qui a eu aussi une action politique moins connue, en particulier à cette époque-là. C'est un extrait de Une vie, une œuvre, le documentaire que Thibaut Henton consacrait à la figure de Karl Marx sur France Culture. Et on entend ici la voix de Christian Laval dire combien cette figure de Jenny Marx que vous soulignez, que vous mettez tellement en scène à Raoul Peck, a été assez peu retenue dans les histoires qui se sont racontées autour de Karl Marx. Où en avez-vous trouvé les traces? À partir de quels matériaux vous avez construit ce personnage de Jenny Marx qui a une si grande part à l'écran? Alors, en effet, ça a été extrêmement difficile pour nous de retrouver cette Jenny, et surtout cette Jenny privée et cette Jenny politique. L'histoire n'a pas retenu, et comme d'habitude d'ailleurs, n'a pas retenu le rôle que ces femmes ont joué auprès de leurs compagnons. Jenny a été, quand on lit ses correspondances dans les années plus avancées, c'est une femme qui a toujours été active, qui a toujours eu sa propre tête, qui a toujours eu sa propre opinion dans ses combats, en même temps que ces formidables lettres d'amour qu'elle écrit à Marx et vice-versa. C'est ça aussi la partie belle de tout ça, c'est qu'ils étaient extrêmement amoureux l'un de l'autre à tout moment de leur et vie. Vous filmez ça? Vous tenez à filmer bien entendu, ça absolument. Et pour aller repêcher Jenny, c'était un peu le cas, version de scénario après version de scénario, on s'est appuyé presque exclusivement sur les correspondances. Et bien entendu, dans les années... 38-40, les lettres sont vraiment des lettres d'amour entre deux jeunes amoureux, et même aussi des lettres d'inquiétude de Jenny, parce que elle a quand même un peu peur que Karl se détourne d'elle. D'abord, elle est plus âgée que lui, elle a 2 ans de plus que lui. À l'époque, ça comptait. Ensuite, elle sait qui est Karl. Que, surtout le Karl étudiant, qui était quelqu'un qui buvait, qui se battait en duel, qui était un grand brigand, qui savait pas encore exactement la carrière qu'il voulait entreprendre, donc et certainement pas devenir un bon bourgeois marié avec des enfants. Donc il y avait ce danger-là. Et ces lettres étaient souvent des lettres d'amour et tout ça. C'est plus tard, petit à petit, on découvre des lettres où elle parle de ce qu'elle pense. Et le dialogue qu'on vient d'entendre tout à l'heure, ça provient directement d'une lettre de Jenny qu'elle a écrite plus tard que dans le temps du film et qu'on a voulu utiliser parce que ça exprime vraiment qui était cette femme. Mais ça dit aussi, elle s'adresse à Engels dans l'extrait qu'on vient d'entendre et elle lui dit « Faites en sorte qu'il ne se crame pas par les deux bouts, qu'il ne sorte pas, préservez-le. » Et un petit peu plus tard dans le film, quand on va se poser la question de son départ ou pas, et du fait que cet homme va partir loin de sa famille et que Jenny Marx, avec une autre femme, va devoir s'occuper des enfants, de la maison, de cette vie de ce côté-là, elle dit « Vas-y, fais-le, il n'y a pas d'autre choix que tu le fasses ». Alors, en même temps, vous filmez les femmes qui sont derrière ou à côté de Engels et Marx, et en même temps, vous filmez des femmes qui permettent l'action des hommes, mais tout en étant obligé d'assurer les arrières. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument, c'est-à-dire, mais c'était vous filmez aussi une manière des femmes qui ne vont pas au front, du coup. Oui, mais il fallait filmer, la réalité de ces rapports. Même si Karl et Jenny étaient un couple modèle et révolutionnaire, n'empêche qu'il vivait dans un milieu de contradiction. Donc, ce que on a fait à travers cette scène, c'est de montrer que au moins ils en étaient conscients. Cette répartition des rôles n'était pas quelque chose qu'ils prenaient de manière naturelle. Elle était discutée. Voilà. La preuve, même si Carl fait semblant de se lever et de desservir la table, finalement, il se laisse facilement convaincre que c'était à lui de partir à Manchester. Et que quand Jenny, c'est ce qui est intéressant, c'est la soi-disant servante, Lan Chen, qui dit, mais non, il peut y aller, on va se débrouiller entre femmes. D'ailleurs, Ingalls nous a envoyé de l'argent, ça suffira, on va se débrouiller. Moi, je trouvais ça fort. Que voilà, les femmes, elles problématisent la situation et elles prennent la décision de dire oui, allez, vas-y, tu veux aller boire, tu veux sortir avec tes copains, vas-y. Mais ça veut dire que ils sont tous les deux conscients de ce rapport entre hommes et femmes. D'ailleurs, elle commence la scène en disant ah oui, donc nous les femmes, on reste ici à garder les bébés. Et elles en rient. Voilà, voilà. Donc c'est un rapport qui n'est pas tendu et c'est un rapport d'adulte. C'est un rapport conscient. De même, vous filmez beaucoup plus tard la campagne de Engels et celle de Marx sur une plage à Ostende où il est question de savoir si elles vont ou non avoir des enfants, en tout cas Mary Burns. Et Mary Burns dit peut-être pas avec moi, mais peut-être avec ma sœur. Et on sent que Jenny Marx est arrêtée par cette remarque, un peu choquée, qui laisse entendre que y compris le rapport de couple, y compris le rapport d'amour, ne peut pas être un rapport de propriété. En tout cas, c'est ce qu'elle suggère. Absolument. Et nous, on s'appuie sur la réalité pour écrire ça, puisque on sait que lorsque finalement il repart à Manchester, Engels va habiter dans deux maisons. Il y a sa maison bourgeoise pour ses affaires, et pour ses invitations professionnelles, et il a sa maison privée, en quelque sorte, où vivent aussi bien Marie et Lizzie. Et c'est un trio qui va durer toute leur vie, puisque à la mort de Marie, Engels va épouser Lizzie. Et donc, c'est quand même une sorte de trio à trois avant la lettre. Et connaissant Engels, coureur de jupons, je suis presque persuadé qu'ils ont eu une relation à trois. Donc, il fallait préempter un peu cette histoire en montrant que du côté de Marie, il n'y avait aucun problème. Que d'ailleurs, quand il dit Lizzie a l'air d'avoir bien envie d'avoir un enfant d'Engels. Et puis, elle est ouvrière. Les mœurs sont beaucoup plus, entre guillemets, libres dans ce milieu-là. Donc, elle n'y voit aucun inconvénient. C'est que si Engels a envie de faire un enfant, ou Lizzie a envie de faire un enfant avec Engels, à partir du moment où ils sont tous les deux d'accord, il n'y a aucun problème pour elle de forme ou de voilà ou d'éducation ou de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Alors en quoi c'est aussi une mode qui vient des États-Unis? C'est un retour très fort du scénario. Hein, je veux dire, on peut pas imaginer, par exemple, les cinéastes de la nouvelle vague s'attacher à faire des biopics. Donc il y a une histoire commerciale derrière ça, il y a une histoire économique du cinéma français qui s'est créée avec les biopics, il y a une histoire effectivement de d'influence américaine. Si on veut raconter les grandes vies, enfin c'est pas une mode, c'est un mode d'écriture du monde. Alors il y a quelque chose de très fort à travers le biopic, c'est le retour de la personnalisation de l'histoire. Oui. Moi je suis enseignant d'histoire, je veux dire, dans les années 30, dans les années 40, on disait Joseph Staline, Adolf Hitler, et puis à un moment donné, tout ça s'est un peu calmé. C'est-à-dire qu'on a retrouvé un peu avec la démocratie, on parlait un peu collectivement, les combats étaient collectifs. C'est pas un hasard si dans les années 70, il y a une éclipse totale du biopic, ça ne marche plus du tout. J'ai fait du kitesurf, j'en avais du tout peur. Les nouveaux amortisseurs de sa Porsche Cayenne. J'aime les nouveaux amortisseurs de sa Porsche Cayenne. Loin de la fureur, loin du bruit. Raoul Peck, vous m'avez dit oui, on n'a pas très très bien compris ce qui s'est dit en effet pendant l'extrait qu'on vient de diffuser, mais parce que c'était une discussion un petit peu vive tirée d'une émission diffusée sur France Inter en 2013 sur les fameuses discussions, le retour du biopic, oui ou non, pourquoi le retour des grands personnages, des grands destins dans des époques où, en tout cas cette tradition se serait tassée dans des époques où la démocratie aurait repris du poil de la bête et où on penserait plus collectif. Bref, tout ça est peut-être assez maladroit pour vous poser la question du biopic. Le jeune Karl Marx Marx. Est-ce que vous l'envisagez comme tel? Et avec quels autres exemples vous avez dû dealer ou jouer ou vous amuser? Alors, moi, ma position par rapport au cinéma, et surtout au cinéma dominant, elle est celle d'une tentative permanente de déconstruction. C'est-à-dire, j'ai grandi en grande partie avec ce cinéma américain. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris, comme Baldwin l'a compris aussi, que du rôle aussi de ce cinéma, puisque ce cinéma véhiculait de la théorie, de l'idéologie, une vision du monde, et également consistait à vendre de la marchandise, etc. Donc, mon travail consiste à aller à l'encontre de ce cinéma. Et tout en me rendant compte que j'ai affaire à un public qui est largement éduqué par ce cinéma, influencé par ce cinéma. Abreuvé en tout cas. Abreuvé, donc il y a un mode de lecture qu'il faut quelque part déconstruire pour qu'il ait accès à ce que peut-être vous avez envie de lui raconter. Donc je suis, en tant que cinéaste, obligé de tenir compte de tout ça. Je ne fais pas un cinéma dans un vase clos ou dans un endroit qui est dépourvu d'influence. Donc, je serais totalement naïf de ne pas en tenir compte. Donc, quand je décide de faire un film sur un personnage comme Karl Marx, c'est aussi en ayant en tête tous les prérequis, toute la patine de ce que le cinéma a accumulé pendant un peu plus de 100 ans d'existence, et voir comment j'arrive à raconter une histoire qui est le contraire, justement, de cette espèce d'aliénation au récit. Donc, un peu l'approche de Brechtienne de dire, voilà, on est dans l'histoire et en même temps, on a une distanciation par rapport à l'histoire. J'ai parfois une autre manière de le dire, c'est-à-dire, moi, je veux qu'il y ait de l'émotion, je veux qu'il y ait des moments voilà, forts qu'on ressent au plus profond du ventre, mais je veux aussi que la tête fonctionne, je veux aussi qu'il y ait une réflexion en même temps. Et comment aller dans cette réflexion, bien sûr, sans arriver à couper l'attention du spectateur. J'ai pas intérêt non plus à le perdre dans l'histoire. Donc il faut faire en sorte qu'on ait un récit et en même temps d'avoir une certaine distanciation par rapport à ce récit. Et vous imaginez que c'est souvent très compliqué. Et d'autant plus compliqué quand on s'attaque à des personnes, alors le nom de Baldwin a fusé, mais c'est un autre travail, mais le nom de Marx, des personnes qui, dans leur vie, ont fait de la pensée et ont fait de la théorie un morceau capital, c'est le cas de le dire encore une fois. C'est-à-dire qu'il a fallu toujours trouver pour ce film-là l'émotion permanente, tout en quoi, en disant on va se coltiner tout, la pensée de cet homme. Voilà, il fallait, puisque le biopic en général, il progresse par relations entre les personnages, par des obstacles qu'il faut surmonter, par des contradictions entre les volontés des uns et des autres. Donc, pour simplifier, normalement, un biopic comme ça, il aurait fallu que je montre que peut-être que Jenny est jaloux de la relation entre Marx et Engels, et que en même temps, Engels se plaint que Jenny empêche Marx de travailler ou de sortir avec lui. Ce qui n'existe pas. Absolument. C'est même pas une question entre ces deux personnages. Je fais un film sur l'évolution d'idées et de combats. Donc il fallait que je retrouve d'autres ressorts pour raconter ces histoires, sans en même temps perdre de l'émotion, sans perdre l'incarnation de ces personnages. Donc ce qu'on a fait à un moment donné avec Pascal Bonitzer, mon co-scénariste, c'est de dire on va s'appuyer presque exclusivement sur les correspondances de ces personnages. C'est-à-dire, quand on lit ces lettres, d'ailleurs, qui sont publiées, on se rend compte que, voilà, c'est dans ces lettres, il y avait bien entendu de la théorie, il y avait du politique, mais il y avait aussi beaucoup de privé. Il y avait leurs états d'âme, il y avait leurs moments de colère, il y avait... Ils écrivaient beaucoup de... Comment dire? Ils se moquaient beaucoup des uns des autres, ou des autres dirigeants, d'ailleurs. Engels aimait raconter ses histoires de jupons, également, il aimait dessiner des caricatures sur ses lettres, etc. Donc, on découvre des personnages vivants, réels, avec toutes les contradictions de jeunes de cet âge-là. Ils sont dans leur vingtaine. Et à partir de là, on est beaucoup plus armé pour raconter cette histoire et on a moins peur que ça devienne une sorte de pamphlet théorique ou de film didactique. Non, c'est justement, il fallait que ce soit un film vivant, avec des personnages vivants, avec, Marx fait l'amour avec sa femme, puis ils ont 7 enfants, donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça fait partie de leur quotidien. Donc toutes ces choses font partie du récit. Omaya s'endort sous les monts d'araignées. Omaya s'endort sous les monts d'araignées. Dans le vent brûlant, là où poussaient les roses, là où poussaient les roses, Omaya se repose. Omaya s'endort sous les mandariniers. Omaya s'endort sous les mandariniers. Dans le vent brûlé, elle seule le sait que bientôt, repousseront les roses, repousseront les roses. Toi, mon assassin, mon enfant, mon amour, à présent que je vole, à présent que tu cours, je n'aurai de cesse, tu le sais, je n'aurai de cesse de te hanter toujours. Je n'aurai de cesse de te hanter toujours. Et je te condamne à l'amour. En général, toute action est un risque. les grands philosophes ou les grands théoriciens, disons, de ce qu'on pourrait appeler la dimension éthique de la politique. Bon. C'est-à-dire, pas les auteurs de systèmes, mais ceux qui se sont posés le problème de l'action en propre terme. Bon. Alors, Thucydide, Machiavel, Arendt, Max Weber, Gramsci, on en trouve dans plusieurs camps. Et Marx ? Oui, Marx aussi, oui. Évidemment, Marx, ce qui complique les choses chez Marx, c'est que Marx avait un système. Alors, c'était un système d'explication, mais c'était aussi un système d'anticipation de l'avenir et de construction de l'avenir. Bon. Il y a une grande tension chez Marx, au fond, entre deux personnages qui sont évidemment indissociables l'un de l'autre, mais qui ne font pas tout à fait bon ménage. C'est pas seulement un Marx déterministe, c'est un Marx qui croit que l'action peut coïncider entièrement avec la logique du cours de l'histoire. Raoul Peck, on entend ici Étienne Balibar qui s'entretient avec Géraldine Mosna-Savoie sur la figure de Marx. Alors peut-être on va pas rentrer dans la discussion que eux ont eue sur les deux Marx qui cohabitent en une seule personne. Vous l'aurez peut-être avec Géraldine Mosna-Savoie. Mais en revanche, de discuter la question de l'action et du courage de l'action et du courage de faire coïncider parole et action. Votre film Le jeune Karl Marx pose aussi cette question-là, que ce soit au départ lorsqu'il est journaliste et qu'il veut continuer d'écrire librement, ou ensuite quand il crée avec Engels, il suit la création de la Ligue communiste. De quoi avons-nous peur ? Il y a vraiment cette phrase-là qui revient. De quoi avons-nous peur ? Pourquoi n'agissons-nous pas ? Comme si le film posait en filigrane cette question-là, y compris à l'époque que nous traversons. Oui, et précisément à l'époque où on est aujourd'hui, où il y a presque une totale séparation entre la pensée, l'intelligence et l'action. Ce que je veux dire par action, c'est ce qui se passe dans la société actuellement. Comment répondre aux problèmes de notre société actuelle. Le fait de, à tout moment, de réfléchir à un monde meilleur ou aux instruments, comment le faire, mais c'est important aussi par rapport à ceux qui vont porter cette action. Quand Marx se met en colère en disant « l'ignorance ne va aider personne, ne peut aider personne », c'est en retour à d'autres dans le même mouvement ouvrier qui disent « voilà, il suffit de prendre 40 000 ouvriers, de descendre dans la rue et de tout casser ». Et Marx dit « faire descendre des gens dans la rue sans qu'ils comprennent pourquoi ils descendent dans la rue et pourquoi le système fonctionne ainsi et comment on va pouvoir faire autrement. C'est criminel. Et là, il est sans pardon pour ce genre d'attitude. C'est un peu ce que fait le populisme, même le populisme de gauche, quelque part, qui peut aller même jusque au culte de la personnalité ou même au mysticisme, comme le personnage de Weitling dans le film. Donc Marx a toujours été un grand éducateur également. C'est pour ça qu'il a souvent été journaliste. Quand en 1848, il rentre en Allemagne, pendant la révolution de 48, il décide de rentrer en Allemagne avec tous les exilés, et Engels aussi. Engels va se battre sur les barricades. Mais Marx y rentre, il fonde un nouveau journal. Parce que pour lui, c'est essentiel. Il faut éduquer, il faut apprendre, il faut critiquer. Et c'est à travers cette critique, c'est à travers cette éducation collective qu'on arrivera à se battre de manière plus efficace. Donc il n'y a pas, non seulement il n'y a pas de contradiction, mais c'est même obligatoire si on veut y arriver. Et ça revient à ce que je disais en introduction, à savoir est-ce que la lutte sociale doit s'articuler autour d'idées claires ? Et si l'on répond oui, quelles conditions réunir pour que ces idées claires soient produites ? À la fin de votre film, Raoul Peck, le jeune Karl Marx dit qu'il est un peu fatigué et que s'il veut continuer à les produire, ses idées claires, il va falloir se reposer. Alors bien sûr, on peut en sourire, et d'ailleurs ils ont souri avec Engels ben sur oui. la plage. On se reposera quand on sera mort, presque disent-ils. Cependant, ça pose la question de est-ce que ces idées claires, elles peuvent être produites pendant que la lutte a lieu? Et à quel point est-ce que la lutte laisse la place à la production d'idées? Ce qui revient aussi, vous dites, il faut pouvoir tenir les deux ficelles, mais votre film montre aussi que c'est difficile. Absolument, mais c'est ça, je pense qu'il faut avoir le courage de dire que c'est difficile. Tout combat est difficile. On ne peut pas simplement accepter une partie du combat, parce que c'est le risque d'arriver aux pires aberrations, voire aux pires crimes. Puisque c'est ce qui arrive, par exemple, après la naissance de l'Union soviétique, après la Révolution. Même Lénine, dans ses écrits tardifs, critiquait cet état de choses. Quel est ce monstre qu'on a fabriqué? C'était pas ça l'idée. Quand Marx dit l'émancipation de tous passe par l'émancipation de chacun, si à un moment donné on oublie cette partie, on n'a rien compris et on va créer des monstres. Donc c'est très dialectique tout ça, pour reprendre aussi un terme marxien. L'un ne va pas sans l'autre et l'un influence l'autre. Il faut pas les mettre en contradiction. Et changer le monde demande beaucoup de travail. Il suffit pas de suivre sa colère. Il suffit pas de suivre sa réaction spontanée face à une injustice. Il faut aussi penser. Comment réagir? Il faut aussi penser par quoi on va le remplacer. Il faut aussi d'ailleurs convaincre les autres de le faire avec vous. Parce que ça ne peut pas être une entreprise individuelle. Et donc c'est un combat, c'est un travail. Ces jeunes ont passé beaucoup de temps dans les bibliothèques. Ils ont passé beaucoup de temps à étudier, à écrire, à lire. Marx était un jeune homme qui avait tout lu, pratiquement. Ça, c'est Raymond Aron qui le dit. Il y a eu deux hommes dans ce siècle qui ont tout lu, c'est Schumpeter et Marx. Et d'ailleurs, Engels lui ouvre les portes des bibliothèques, d'une bibliothèque en particulier, où vous montrez dans le film combien est-ce que la découverte de certains textes sont fondateurs. Donc c'est aussi cela que vous dites en filigrane, Raoupek, tout le temps, c'est lisez, lisez, lisez. Absolument. On a l'impression que c'est une injonction. Parlez les uns. Oui, il faut démystifier ce fait qu'il suffit de descendre dans la rue. Non, ça ne suffit pas. Et en même temps, vous faites dire à Marx, on ne peut pas se contenter d'interpréter le monde, il faut le transformer. Et le transformer, c'est peut-être aussi descendre. Absolument. Oui, mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est théorie et praxis. Les deux vont ensemble. Et pour le clin d'œil à la fin du film où il dit je suis fatigué, mais c'est aussi pour faire comprendre que oui, ça fatigue. Oui, on ne peut pas être simplement exalté ou être porté par sa colère. Ça demande de l'intelligence, ça demande de la réflexion, ça demande d'apprendre aussi ce que les autres avant vous ont fait. Ça demande de connaître son histoire. Parce que si on ne connaît pas bien son histoire, on va faire des bêtises. Et on se rend compte aujourd'hui, même des gens de gauche, l'histoire que je raconte, ils ne la connaissent même pas. Parce qu'on est resté à des clichés. On a été totalement intoxiqué par les crimes qu'on a fait au nom de Marx, comme on pourrait être intoxiqué par les crimes commis au nom du Coran ou au nom de la Bible. L'histoire des grandes écritures, c'est toujours comme ça. Mais on peut pas jeter l'ensemble dans les poubelles de l'histoire, comme a dit quelqu'un. Donc c'est important de se rendre compte que c'est aussi du travail. Quand j'étudiais, j'avais la vingtaine, j'ai fait 4 ans de séminaire sur le Capital. Donc c'est un livre qu'on étudie, c'est pas un livre qu'on lit simplement. Ce serait trop facile. D'ailleurs, sur tout un film qui parle de Marx avec toute la pensée qu'il articule autour du travail, vous réhabilitez l'idée du travail intellectuel et de la place qu'il faut donner à ce travail intellectuel et de la valeur qu'il faut donner à ce travail intellectuel. Raoul Peck, si on parle maintenant de ce générique fin où s'égrènent nombre d'images de lutte qui traversent les décennies qui vont arriver bien après la toute jeunesse de Marx et Engels, il dit quoi ce générique ? C'était une manière de boucler le cercle et de faire comprendre que toutes ces histoires sont liées et toutes nos histoires sont liées, qu'il y a un lien avec la Première et la Seconde Guerre mondiale, avec l'assassinat de Lumumba, avec les richesses du Congo, l'uranium du Congo permet de construire la bombe d'Hiroshima, les colonisations, que l'esclavage qui a vu la disparition de millions d'Africains est lié avec l'accumulation du capital qui va permettre la naissance de la révolution industrielle, etc. Et que l'exploitation qui continue, que quelqu'un comme Mandela qui apparaît à la fin du générique, Mandela était communiste, on a envie de l'oublier, mais qu'il a été sacrifié parce que les pays européens ont soutenu l'Afrique du Sud pendant trop longtemps, etc., etc. L'assassinat de Che Guevara, mais l'apparition aussi de Reagan et de Thatcher. Penser un système. Et on finit avec les migrants. Les migrants n'apparaissent pas comme ça dans notre vie, à la porte de la chapelle. Il y a toute une histoire de plusieurs siècles même. Certains aujourd'hui voudraient séparer ces histoires, parce que c'est très facile de dire que voilà, la France ou l'Europe, on s'est développé, on est plus riche, maintenant qu'on a des problèmes, ce serait bien de faire des murs, comme ça on pourrait peut-être les solutionner nous-mêmes, ensemble, sans avoir à supporter le poids du reste du monde. Mais vous êtes déjà au milieu du monde, vous avez participé à l'exploitation de ce monde, vous avez créé des pays de manière arbitraire parfois, vous avez fait des guerres. Donc on ne peut pas comme ça décider historiquement que tout ce qui s'est passé avant ne compte plus et qu'on va juste régler nos petits problèmes de sécurité sociale ou on va essayer de construire ici ou là des baraques pour les migrants. Donc non. Lire et étudier l'histoire. C'est essentiel, je pense, sinon on ne comprendra rien. Le jeune Karl Marx, c'est le titre de votre film, Raoul Peck, et il sort en salle mercredi prochain. Par les temps qui courent, à quoi trinquez-vous avec vos amis ? À plus de paix, plus d'intelligence, plus de tolérance, et puis plus de vigueur dans la résistance. Par les temps qui courent, de quoi êtes-vous curieux ? Inlassablement. De la condition humaine. Par les temps qui courent, on se retrouve lundi à 21h avec le photographe Bruno Hadji. Et quand vous voulez sur franceculture.fr pour réécouter toutes les émissions, quant à moi je réponds sur Twitter, @marie-richeux tout attaché.